C'est vrai que je voulais ton cœur, accompagner ton âme. Je pensais que c'était ton heure de tomber sous mon charme. Je l'ai fait à l'envers, de toute façon c'était juste des fleurs. Je pensais pas à l'enfer, je pensais juste à notre flirt. J'aimais ton fond, tes formes, tu sais t'occuper de l'homme. Au début c'était des lol, aujourd'hui je suis tombé love. Je suis prêt à donner l'or pour revoir ton corps. On m'a jeté un sort, moi qui pensais être fort. Tu réponds plus au fun, t'es peut-être devenu folle. Je reviens aux nouvelles, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Ça fait de moi un homme d'avoir un cœur en or. Ça fait de toi une conne d'avoir laissé un homme. Tu m'as piqué à vie, c'est comme une mort lente. Sans le paradis, à peine hier on s'aimait. On voulait se fiancer, mais je me suis renseigné. T'as le cœur cadenassé. J'allais t'appeler cette nuit, mais tu es mon ex. Je voulais lâcher la bibi, mais tu es mon ex. On s'est dit pour la vie, mais tu es mon ex. Je voulais que tu restes sur le navire, mais tu es mon ex. J'allais t'appeler cette nuit, mais tu es mon ex. Je voulais lâcher la bibi, mais tu es mon ex. On s'est dit pour la vie, mais tu es mon ex. Je voulais que tu restes sur le navire, mais tu es mon ex. J'ai refait ma vie, j'ai remis l'anneau. Rien n'est encore acquis, je pense à toi la nuit. Je vais lâcher l'affaire, aller avec une autre. Je deviens parano à te voir dans ses robes. La vie est courte et longue, quand tu dois jouer un rôle. En lui disant ces mots, je vais même lui faire un môme. C'est toi mon premier kiff, mais l'échec ça arrive. Je t'ai menti, c'est vrai, je voulais monter l'Everest. Je te veux au réveil, je t'ai même dans les veines. Des fois j'étais en boîte, j'esquivais tes appels. J'étais vraiment rabat, tu me prenais la tête. Aujourd'hui tout ça manque, pourquoi tu veux que je te mente. Tu m'as piqué à vie, c'est comme une mort lente. Sans le paradis, à peine hier on s'aimait. On voulait se fiancer, mais je me suis renseigné. T'as le cœur cadenassé. J'allais t'appeler cette nuit, mais tu es mon ex. Je voulais lâcher la bibi, mais tu